Super. Bon. merci. Vous aussi. je pense que... Enfin, comme vous m'aviez invité au départ, j'étais très inquiète. Je me disais, oh là là, non, moi, je vais partir sur des choses aussi théoriques que ça. Mais après, je me suis rassurée en me disant que ce que je pouvais porter, c'était vraiment de montrer comment j'avais pu penser ces questions vraiment de façon concrète, enfin, d'une façon ethnographique. Et d'autre part, l'autre chose qui me semblait relier ma manière de voir et de penser les choses et d'enquêter aussi à la démarche de votre séminaire, c'était la question de relier en fait des dimensions plus structurelles et la dimension vraiment expérientielle. Et c'est vrai que cette question, c'est une question qui m'intéresse vraiment depuis un moment, et plus particulièrement pour ce qui concerne la question de l'enfance, au départ. Après, j'ai élargi à la parentalité. J'avais commencé à me poser ces questions depuis ma recherche de master sur les garçons de rue au Brésil. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir la relation entre, entre les représentations, vraiment, le niveau des représentations dans l'espace public et le niveau de l'expérience des enfants. Et là, pour le coup, c'était particulièrement frappant parce qu'on passait quand on pense aux enfants, c'est intéressant parce que vraiment les enfants ont très peu d'accès à l'espace public, enfin pas vraie parole dans l'espace public, surtout les enfants auxquels je m'intéresse en général. C'est la question qui me préoccupe, c'est de voir comment est-ce que en fait les enfants ont s'est construit aussi à partir en relation ou pas en relation ou en discontinuité ou en continuité par rapport à la manière dont on les pense. Pour ce faire, je m'intéresse à chaque fois à des catégories d'enfants données qui ont une place dans l'espace public parce qu'ils soulèvent des questions politiques ou morales. Donc, au Brésil, je m'étais intéressée aux enfants de rue, qui sont une catégorie qui a bien intéressé le débat public au Brésil, mais aussi ailleurs. Et je me suis ensuite tournée vers l'Italie en 2008, qui est, comme vous pouvez vous en douter, mon pays d'origine. Justement parce que c'était à ce moment-là où la question, ce qu'on appelle la question Rome, je mets entre guillemets, on peut en parler, mais bon, je crois que ce n'est pas la question centrale ici, était en train vraiment d'exploser dans l'espace public italien. Et c'était à peu près au moment où un dispositif qui s'appelle le dispositif d'état d'urgence Rome a été voté par le gouvernement italien. Et donc, ce qui m'avait frappé, c'était que pour justifier ces actions, il y avait des discours dans l'espace public autour de la question de l'enfance rome et en gros autour de la protection de l'enfance. Même si finalement, dans le débat, il y avait des positions très très différentes où tout le monde en fait défendait une démarche plutôt qu'une autre, toujours au nom des enfants. Et donc c'est encore une fois, c'était intéressant pour moi de voir comment ces représentations de l'enfant rom et ces visions aussi concurrentielles sur ce que devrait être l'enfance et à partir de cas d'enfants qui échappe à cette vision idéale de ce que devrait être l'enfance, donc vont, vont interroger les des politiques et donc ensuite s'est transformé dans des véritables démarches politiques. Et donc en gros ce qui m'intéressait c'était de à la fois de comprendre mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces discours, donc des discours dans l'espace public qui sont qui vont défendre des actions très différentes voire opposées vis-à-vis des enfants roms, mais qui se disent tous en faveur des enfants roms. Et de l'autre côté, toute la question de l'expérience. Donc, quelle est, en fait, qu'est-ce que cela impliquait chez les enfants roms concrets qui étaient les cibles de ces discours et aussi de ces actions politiques. Donc voilà, c'est cette tentative de trouver des articulations entre ces différents niveaux. Et donc, pour et ça, c'était vraiment mon point de départ. Donc, ce qui m'intéressait, ce qui m'a amené à faire une thèse sur l'enfance rome en Italie. Et donc, pour aujourd'hui, j'avais pensé, donc, dans un premier temps, de vous présenter un petit peu enfin, ma recherche de thèse en général. Enfin, et puis, je voudrais approfondir la question de l'expérience sur les parents et les enfants. Je me suis dit que j'allais un petit peu vous présenter les choses telles que je les ai pensées dans ma thèse. Où je n'ai pas nécessairement utilisé les auteurs que vous mobilisez dans votre argumentaire, mais je pense que effectivement il y a des parallèles et puis que ça peut moi, enfin, je peux moi-même être aidé à repenser des choses, à revoir des choses autrement à partir de d'auteurs que vous mobilisez, qui sont d'ailleurs aussi des anthropologues. Et je pense que, en tout cas, que même si je ne les ai pas utilisés, je vais dans la même direction parce que pour le fait de d'interroger vraiment la question de l'expérience, quelque part. Pour la première chose. Cette question de départ s'est transformée dans un objectif de prendre l'actualité comme objet d'analyse, mais de l'interroger à partir d'une démarche ethnographique et d'une démarche socio-historique. Et donc c'est plutôt sur la démarche ethnographique que je vais m'attarder aujourd'hui, dans la thèse, vraiment, les deux sont ont été pour moi indispensables pour comprendre cette question. Et d'un point de vue, de littérature et théorique, pour ce qui concerne l'étude sur l'enfance, ce qui m'avait frappé, c'est que, en fait, quand on s'intéresse à l'enfance, on a soit des études très constructivistes qui s'intéressent vraiment, enfin qui déconstruisent vraiment l'enfance, et de l'autre côté, il y a des recherches sur les vies des enfants et sur les cultures enfantines qui sont pour le coup très très détachées d'un niveau plus politique. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment articuler l'enfance comme question politique et morale et la dimension politique et morale de la vie quotidienne des enfants. Et donc c'est pour c'est là que je me suis orientée vers une démarche qui peut se synthétiser comme une anthropologie politique et morale de l'enfance et de la parentalité. Et sur cette question de la parentalité, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. parce que c'est quelque chose que j'ai en fait intégré en cours de route. Donc voilà, la tentative est de penser les valeurs et les normes morales et politiques qui sont convoquées dans l'espace public et politique conjointement aux sentiments ressentis par les acteurs sociaux qui font l'expérience de la question rome au quotidien. Ce qui m'a apparu, c'est que quand il est question de l'enfance rome, on mobilise des oppositions entre des ordres moraux et politiques et des principes des jugements qui organisent la répartition entre la bonne et la mauvaise enfance, mais aussi entre l'enfance juste et injuste, et comme corollaire entre la bonne et la mauvaise parentalité. Parce que tout ces constellations de types d'enfance sont utilisées pour renforcer ou contester les frontières morales qui partagent le monde entre des groupes minoritaires et la société majoritaire. Et cela a été particulièrement évident quand il était question des Roms dans l'espace public, parce que c'était justement, entre autres, pour le fait que les Roms ne peuvent pas être des bons parents, et je vais expliquer ça plus précisément, que les enfants Roms ne pouvaient pas devenir des bons enfants, et que donc l'État devait intervenir. Voilà donc un petit peu ce que j'avais en tête quand j'ai commencé. Et donc, pour le coup, je ne me suis pas focalisée sur la culture rome ou la culture éducative familiale en soi, mais sur les enjeux moraux et politiques qui concernent l'enfance et l'éducation. Et donc, cela veut dire que je m'intéresse aussi à l'éducation des enfants de la part de la famille, par exemple, et on va le voir. L'idée, c'est de ne pas, étudier ça pour comprendre la culture rome en soi, mais vraiment pour comprendre les enjeux moraux et politiques qui se jouent derrière la question, enfin, les relations en fait entre les groupes roms et donc tous ces grands groupes qu'on appelle la société majoritaire, qui doit absolument être déconstruit, et que quand au niveau ethnographique on peut ensuite voir à des niveaux très très différents. Et donc, excusez-moi. Pour essayer de comprendre tout cela, je perds ma voix. En fait, ce que je fais, c'est même très concrètement, c'est de en fait analyser la même question à partir des niveaux très différents. Donc, d'aller vraiment interroger l'expérience individuelle des enfants, mais aussi des parents. La question des relations à l'intérieur de la famille, mais aussi entre les différentes familles. Et ensuite d'élargir vers les interactions à l'échelle locale les interventions étatiques, surtout en fait d'un point de vue ethnographique, je les ai étudiées surtout aussi au niveau local. Pour cela, il faudrait dire que bon, en Italie, l'État est beaucoup moins centralisé qu'en France, donc voilà, c'est très différent, mais bon. Et ensuite, au niveau de l'espace politique, économique et médiatique, qui est d'abord national, mais qui est bien sûr aussi relié à un espace qui est, pour ceux qui concernent la question Rome, un espace surtout européen. Et donc, la partie, disons, plus ethnographique prévoyait une étude qualitative avec des terrains de longue durée qui ont suivi les familles, leurs différents membres, ayant comme des interlocuteurs des adultes, des enfants et des jeunes. Et donc, j'ai observé la vie quotidienne des familles, de certaines familles, dans la ville de Milan, qui est la ville de Milan et aux alentours de Milan, qui est la ville que j'ai choisie pour la partie ethnographique, mais aussi les mobilisations pour en défense des enfants roms, l'action des pouvoirs publics, et donc aussi, d'un point de vue spatial, mon enquête ne s'est pas restreinte au lieu de vie des enfants et des familles qui s'appellent Camp Rome en Italie, mais qui sont une série de lieux très différents les uns des autres, mais aussi des structures associatives et militantes, l'administration locale, etc. Et comme méthode, donc, j'ai utilisé la méthode ethnographique basée sur le suivi de la vie quotidienne, mais aussi l'ethnographie de l'espace public, et aussi l'analyse des documents, des textes, des lois ministérielles, etc. Je me vois bien dans la démarche qui a été appelée une ethnographie combinatoire par Baznager et Dodier, qui cherchent à inscrire les choix individuels dans leurs conditions des possibilités, sans perdre de vue le rôle du chercheur dans la production des données. Cette partie, je l'ai moins... je n'ai pas particulièrement pensé à approfondir cette question de l'expérience du chercheur dans cet exposé, parce que je devais faire des choix. Mais je pense que ça serait aussi un volet intéressant à explorer, et quand il est question d'expérience de subjectivation, je pense que voilà, moi j'ai consacré un chapitre de ma thèse vraiment à analyser la relation ethnographique et la relation entre aussi l'expérience subjective des acteurs qui étaient en relation, et donc moi-même et les différents membres des familles avec qui j'ai interagi, et je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à penser aussi pour votre séminaire. Mais bon, on peut en reparler après. Cette relation entre les choix individuels et les conditions des possibilités des acteurs, j'ai quelque part, au fur et à mesure, essayé de restituer comment j'ai moi-même appréhendé la question Rome, et comment la vie des enfants Roms prend sens suivant plusieurs acteurs qui agissent autour d'eux et pour eux, à tous ces niveaux qui sont aussi parfois très éloignés les uns des autres. En général, la thèse, elle est structurée donc avec deux grandes parties, avec une première vraiment sur la question ethnographique, l'ethnographie comme question, et donc vraiment sur la question de la subjectivité des acteurs, et l'autre vraiment sur quelque part une anthropologie de l'État au sens large, et notamment autour de comment l'État se sert de la protection de l'enfance pour assumer ou faire semblant d'assumer des supposées responsabilités vis-à-vis de jeunes citoyens identifiés comme roms, tziganes ou nomades. À la fin, la tentative est de trouver les articulations entre ces deux niveaux. Le fil rouge, cette imbrication du politique et du moral au niveau historiographique et ethnographique, au niveau historiographique, on voit d'abord la question politique qui est très évidente, et derrière des infiltrations des dimensions normatives, évaluatives du débat public et politique qui donc nous relie à l'économie morale de l'enfance. Et de l'autre côté, des dimensions politiques dans la vie intime des familles et des enfants qui apparaissent derrière ce qui, au premier plan, apparaît comme moral. C'est-à-dire que au niveau de la vie intime des familles, c'est d'abord ce qui est bien pour les enfants ou bien pour la famille qui est mis en avant. Et c'est vrai que ces subjectivités qui sont, disons, plus éthiques pour cette dimension morale qui apparaît, même si elles ne débouchent pas toujours sur des subjectivités politiques, et il y a des raisons assez précises pour cela, elles sont de toute façon aussi politiques, parce que c'est justement autour des enjeux moraux concernant la vie des enfants qu'on construit et on maintient et on défend des ordres moraux à l'intérieur des relations familiales, mais aussi des ordres sociaux et politiques qui séparent les Roms des non-Roms, ou bien qui essayent de contester, questionner ou franchir ces frontières. Même si on voit, dans cette première partie, je peux apparaître ça peut apparaître très abstrait, et puis dans la deuxième partie, on peut voir comment les choses se jouent concrètement, ça va être peut-être plus facile de comprendre. En gros, dans l'analyse, on pourrait... Si on prend les choses séparément, et donc si on étudie uniquement ce qui se passe à l'intérieur des familles, on peut penser, il y a la transmission de l'identité, etc., etc. Et on voit moins cette relation entre, en fait, qu'est-ce que transmettre ce type d'identité, essayer de susciter chez l'enfant cette vision des choses, etc., implique d'un point de vue gestion des relations avec, l'État. Et il me semble que c'est uniquement avec cette double démarche qu'il est possible de voir ce qui se joue dans les deux niveaux, derrière quelque chose qui apparaît en premier comme politique ou comme moral. Pour terminer sur ces questions d'articulation, avant de nous pencher plutôt sur ce qui se joue au niveau des acteurs, tout le volet historiographique, mais aussi d'étude de l'espace public, que je vais moins approfondir par la suite, permet de voir les mécanismes à la base de la construction des Roms en tant qu'altérité radicale, mécanismes qui sont multiples et qui se joue en fait donc autour de cette décalage que les enfants roms ont vis-à-vis de l'enfance et que les parents roms ont vis-à-vis de l'âge adulte et aussi de la parentalité. Voir la question des roms en général à partir de la question de l'enfance et de la parentalité nous permet de voir d'autres mécanismes qui amènent à construire les roms en tant qu'altérité radicale. Donc, de mécanismes qui sont à côté de processus de racialisation et d'ethnicisation qu'on voit émerger en général. Il apparaît un processus d'altérisation qui est basé sur l'ordre des âges, en fait. Roms sont taxés d'être en décalage par rapport à un ordre des âges qui est dominant, on peut dire. Les parents sont taxés d'être enfantins et les enfants sont jugés comme excessivement adultes. Et donc, en dehors de ce qui devrait être l'ordre des âges souhaitable. La conséquence de cette construction est de ne pas considérer les Roms comme des adultes à part entière, ce qui a pour conséquence de éduquer les adultes prendre en charge les Roms comme population. Ce qui ensuite implique de les protéger, mais aussi de les exclure, voire de les traiter comme catégorie à part. La conséquence politique de ce désordre des âges est que les Roms ne sont pas reconnus comme des sujets politiques à part entière, puisque les enfants n'ont pas une place en tant que sujet politique comme les adultes. Si on construit et on arrive vraiment à créer une relation aux Roms comme s'ils étaient des enfants, permet qu'ils soient en dehors de la possibilité d'une véritable subjectivation politique en relation à l'État au sens large. Après, ça n'implique pas qu'à l'intérieur du réseau des familles, il y a quelque chose qui est de l'ordre du politique, mais ça, c'est autre chose. Ça montre l'âge comme principe de hiérarchisation à la base de rapports des dominations entre individus, mais aussi entre groupes. Une autre forme des rapports des dominations qui se passe en même temps d'autres formes comme les rapports sociaux de genre, de classe, mais aussi des races entre guillemets. À ce désordre des âges s'ajoute aussi un désordre social et moral pour ce qui concerne le système familial rom qui est perçu comme dysfonctionnel par rapport à la famille nucléaire conventionnelle où les pères sont vus historiquement comme les agents productifs et les mères en charge de reproduire les citoyens. C'est désordre de la famille qui s'articule ensuite dans un désordre des enfants et un désordre des parents en tant que déviant par rapport à des valeurs, des normes et des affects qui sont mis en avant comme ce que devrait être l'enfance qui permet de penser la famille rom comme antithétique à un ordre moral et social dominant de la famille. Tout ça c'est un peu dense, je pense, Et donc, je pense que c'est plus utile de pouvoir voir tout ça d'une façon très concrète. et donc, j'ai voulu voir un petit peu des cas de parents et d'enfants, et donc voir comment, quelle est l'expérience que j'ai pu saisir de certains parents et certains enfants. Et comment on peut en fait faire sens de cette expérience et faire sens de cette expérience à travers l'articulation de ces niveaux. Donc je commence par une mère, même si elle est devenue mère quand, d'un point de vue étatique, elle était encore un enfant. donc c'est une femme que j'appelle ici Mariana, qui a 23 ans. Qui est une femme donc roumaine, qui habite en Italie, en fait, qui se déplace entre la Roumanie et des bidonvilles en Italie depuis plusieurs années, qui était mariée par ses parents quand elle avait 14 ans, contre une dot et un garçon rom qu'elle n'avait presque jamais vu auparavant. Et donc, ce qui m'a frappée chez cette femme, en plus d'un corps et d'un regard d'une femme qui n'a vraiment pas l'air d'avoir 23 ans, c'est et donc qui déjà transmet par son apparence vraiment le fait d'avoir passé des années d'errance en bidonville, d'avoir eu de nombreuses grossesses et d'avoir vécu beaucoup d'histoires assez lourdes, c'est être obsédée par ses enfants. Elle a deux enfants. Elle a déjà perdu. Elle a autre. Au-delà des avortements, elle a déjà perdu un enfant quand l'enfant avait quelques mois, était un bébé. Et elle a failli ensuite en perdre un autre des deux qui restaient. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle met en avant, c'est donc son identité de mère et c'est cette obsession pour ses enfants qu'elle doit protéger. Ce qui est assez marrant parce que quand, si on regarde les discours de l'espace public, ce qu'on dit d'abord, c'est que les parents en Rome ne protègent pas leurs enfants. Et donc là, ce qui apparaît, c'est une femme qui a 23 ans et qui, elle me parle juste de son inquiétude pour les enfants. Et donc elle dit, ma vie c'est mes enfants, quant au reste, peu importe. Et dans tous ces discours, en fait, elle semble être dans une lutte incessante tout le temps pour défendre ses enfants des beaucoup d'ennemis et des menaces potentielles au bien-être de ses enfants, mais aussi en fait à son identité de mère, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'on voit beaucoup. C'est pas juste qu'elle a peur pour ses enfants, mais en fait elle a peur de ne plus être une mère, parce que comme c'est comme si c'est la seule identité qu'elle peut en fait, qui fait sens chez elle quelque part et qui lui donne une place dans le monde. On verra dans les relations avec d'autres personnes, mais aussi elle en tant que personne. Donc c'est comme ce point d'appui au monde, c'est être une mère. Et donc, bon, je prends le cas de Mariana parce que c'est particulièrement évident, mais c'est vrai que cette dimension de lutte incessante et d'inquiétude incessante pour les enfants et des défenses incessantes, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans plusieurs cas et qui m'avait donc interrogée. Bien sûr, plus particulièrement pour les familles qui sont dans les conditions les plus précaires. Et donc, j'ai essayé de comprendre, enfin, de voir pourquoi le fait d'être, en fait, cette identité de mère pouvait être aussitôt mobilisée avec moi d'abord, mais aussi dans ses préoccupations, etc. Et donc, comment on pouvait, enfin, qu'est-ce que je pouvais en faire de cette dimension qui était aussi centrale? Et donc, qu'est-ce qu'elle me disait en fait sur l'expérience de cette femme? Comment est-ce que je pouvais faire sens de ces sentiments, mais aussi de cette présentation de soi, qui est à la fois une présentation de soi, mais qui va aussi au-delà de quelque chose qui est seulement une présentation de soi, à mon avis, et qui est donc le fort attachement aux enfants, l'angoisse de les perdre, et l'angoisse de perdre le statut de mère, l'identité de mère. Je propose de voir comment cela est le produit de tous les différents niveaux qui sont autour. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est parce que il y avait la page 4 et après la page 6. Je me disais quelque chose qui me gêne. Donc, d'une part, quand on voit la vie de Mariana, ce qu'on voit d'abord, donc quand en élargissant, ce qui constitue sa famille. Quand je l'ai connue, en fait, Mariana, bon, elle traînait entre bidonville parce qu'elle se faisait chasser tout le temps par la police. Et avec donc les deux enfants, ses beaux-parents et les quatre enfants de ses beaux-parents, donc ses quatre beaux frères et sœurs, qui sont en fait très très jeunes. Très très jeune en fait. Bon, elle a 23 ans et donc ses beaux frères et sœurs sont des enfants en fait. Ils ont entre 8 et. Ceux qui sont là, donc ils ont entre 8 et 15 ans. Et puis les autres beaux frères et sœurs ne sont pas. N'habitent pas avec la famille parce qu'ils sont déjà des adultes. Et son mari, il est en prison. Et il est en prison depuis longtemps. Donc elle habite avec ses beaux-parents depuis qu'elle avait 14 ans. Et elle est seule déjà depuis quelques années. Seule, c'est-à-dire sans le mari qui est en prison. Et en fait, la position, enfin, la position de Marianne est particulièrement fragile parce que la position de la Bru, elle est, et de la belle-fille des beaux-parents, elle est la position vraiment la plus faible parmi toutes les positions qu'on peut occuper dans la famille Rome. C'est la position où, en fait, c'est la personne qui est vraiment la plus dominée parce qu'elle n'appartient pas, en fait, elle est intégrée à la famille, à la belle famille. Et donc, c'est vraiment la personne qui a les pires des tâches et qui n'a personne pour la défendre. Et elle, en particulier, elle a vraiment personne pour la défendre parce que son mari, il n'est pas là. Et en plus, on voit que son identité ethnique, sa condition socio-économique, son sexe, mais aussi sa position de sa famille d'origine vis-à-vis de la belle-famille et l'incarcération de son mari sont vraiment beaucoup d'éléments qui font comme quoi elle soit vraiment très dans une position très fragile. Et donc, comme elle est fragile, la seule chose qu'elle a, c'est une identité, enfin la seule identité positive qu'elle peut mobiliser, c'est le fait de donner suite à la belle famille à travers des enfants. Et la seule chose morale qu'elle peut faire, c'est de donc être une mère. Et tout ce qu'elle peut faire, qu'elle peut vouloir faire, qui est au-delà de cette identité de mère au foyer, de mère qui s'occupe de ses enfants, est quelque chose qui est perçu comme au-delà de son identité possible. D'une part, donc, il y a cette condition de marge de manœuvre très très restreinte qu'elle a, et de l'autre côté, ses enfants sont sa seule ressource affective puisque elle se trouve séparée de ses maris à qui elle a été mariée malgré elle. Et donc cette identité de mère, c'est l'identité dans laquelle elle peut s'investir en respectant ce qui est la moralité genrée de la famille, de la belle famille. Et donc ce sentiment d'attachement envers les enfants, elle cristallise plusieurs significations. Bizarrement, c'est à la fois la principale, son seul lien affectif, mais c'est sa principale ressource dont elle dispose pour se faire respecter, parce que sa valeur au sein de la belle famille découle de sa capacité à donner des enfants de sexe masculin surtout. Mais de l'autre côté, c'est aussi le seul instrument donc ses beaux-parents peuvent se servir pour la menacer. Parce que bien sûr, ils peuvent dire, si tu ne te comportes pas bien, si tu n'es pas fidèle, si tu ne fais pas ce qu'on veut, etc., ton mari peut te répudier. Et comme il y a un système de... un tribunal interne qui est formé presque exclusivement par des hommes, et des hommes qui sont beaucoup plus puissants pour ce qui concerne sa belle famille plutôt que sa famille d'origine. Ce qu'elle peut craindre, c'est de perdre ses enfants parce qu'elle peut se retrouver quittée par son mari qui va rester avec les enfants, enfin pas lui hein, personnellement, mais la belle famille va rester avec les enfants. Et donc, c'est comme si cette identité de mère, c'est la chose sur laquelle elle peut compter. la seule chose qu'elle, sur laquelle elle peut compter. Mais d'autre part, cette expérience parentale et cette identité des mères, elle joue un rôle aussi et elle peut être comprise aussi à la lumière des rapports sociaux avec, enfin, en dehors du réseau des familles et ce qui amène à comprendre pourquoi elle mobilise aussi tant cette figure de la mère inquiète pour les enfants aussi vis-à-vis de moi que je ne suis pas au départ au moins enfin, je suis vue quand même comme quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Et donc, cette identité des mères, elle joue un rôle aussi très important vis-à-vis de la société locale, de la société en dehors du groupe des familles. Et donc, c'est là, articulé avec d'autres niveaux de l'expérience de Mariana, peut nous comprendre, nous aider à comprendre cette... à la fois cet attachement à l'identité de mère, mais aussi cette peur qu'elle a tout le temps de perdre les enfants, et etc. Et donc, c'est l'accusation d'être une mère à problème, d'être une mère à problème de la part donc, de plusieurs acteurs de la société majoritaire, et ça, c'est quelque chose qui reviendra vraiment à chaque fois que j'interagis avec des mères ou des parents roms qui sont aussi dans des situations même socio-économiques très différentes. Et donc le cas de Mariana peut nous aider à comprendre d'autres cas aussi, et je vais essayer de vous montrer aussi brièvement cette question qui n'est pas propre au parcours de cette femme. Donc, je répète cette phrase comme son mantra, qui est « Ma vie, c'est mes enfants, le reste, peu importe », qui est aussi quelque chose qui mobilise la valeur qui est attribuée à l'enfance et à la maternité, et donc qui est quelque chose de, une identité, elle mobilise une identité qui peut être vue aussi comme positive dès l'extérieur, et aussi que pour sa condition très précaire peut susciter la pitié de ses interlocuteurs, en l'occurrence de l'anthropologue, et donc cette identité, elle permet de se conformer à la figure de la mère souffrante et donc de la bonne mère. Cette présentation de soi, et ça, je pense que ce sera, il y a vraiment quelque chose à creuser, parce que où s'arrête quelque chose et où commence l'autre, c'est vraiment pas évident. Mais il me semble que il n'y a pas que de une dimension performative de la part de cette femme, mais il y a vraiment ce n'est pas une mise en scène calculatrice, celle de mettre en avant cette identité, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient dans ses relations avec toutes les personnes concernées. C'est quelque chose qui relève plutôt, à mon avis, de la production des sentiments et de comment, en fait, la situation extérieure arrive à produire des sentiments, et notamment la relation entre quelque chose qu'on peut appeler, que Nancy Shepherd Hughes a appelé l'agenda politique et la production des sentiments. Question que Nancy Shepherd Hughes avait illustrée en examinant le cas des femmes qui habitent dans le nord-est du Brésil, et donc elle montre comment toutes des constructions idéologique autour de la rhétorique de l'amour maternel et de son absence arrive à produire des sentiments et des émotions chez des femmes qui, quelque part, finissent par répondre à un état des choses qui est un état des choses qui est mis en avant par l'État. Elle dit les émotions travaillent et mettent les corps réflexifs au service du corps politique. Donc, cet attachement de Mariana peut être lu aussi à la lumière des accusations implicites ou explicites d'incapacité parentale, d'une supposée décalage entre le mode d'éducation rom et une vision idéalisée et normative de la parentalité, qu'on pourrait définir comme une économie morale de la parentalité. Accusation qui pèse en général surtout sur les mères plutôt que sur les pères, et je n'ai pas besoin d'expliquer trop pourquoi. Et pour ce qui concerne Mariana en particulier, c'est une suspicion morale de la part d'acteurs de la société locale qui se concrétise dans des menaces des parents qui sont identifiés comme roms, catégorisés, perçus comme roms par les non-roms, subissent au jour le jour. Et il s'agit de donc menaces des retraites de leurs enfants de la part des forces de l'ordre, des travailleurs sociaux et d'autres professionnels. Et aussi l'effet d'une histoire longue des relations entre des populations roms et des populations non-roms en Europe qui a amené aussi à enlever des enfants. Mais quand on voit les choses, on se dit, bon, en fait, est-ce que c'est un effet de la racialisation, est-ce que c'est un effet de la précarité, parce que effectivement, c'est quand même une mère dans ce cas-là qui habite en bidonville et qui expose effectivement les enfants à des risques qui sont bien réels. Je pouvais faire beaucoup d'exemples. Mais en fait, on voit que il y a beaucoup d'autres femmes qui sont vraiment moins précaires que Mariana, mais que dès lors qu'elles sont identifiées comme roms, elles sont soumises à ces accusations d'être des mères à problème, etc. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans des exemples, mais j'ai vraiment d'exemples de femmes qui, dans un moment donné, pour une raison ou pour l'autre, sont identifiées comme roms et donc elles commencent à être accusées par des fonctionnaires ou des acteurs, des institutrices ou qui que ce soit, de ne pas être en mesure d'élever des enfants. Donc, autre à cette identité de mère, c'est il y a aussi cette injonction à être une bonne mère qui amène les femmes à acquérir les propriétés objectives et subjectives pour montrer d'être des bonnes mères. C'est là, justement, n'est pas la même chose pour toutes les mères roms, justement parce que au-delà du fait d'être roms et d'être stigmatisées en tant que roms, il y a toute une série d'autres aspects qui vont peser sur le fait de être en mesure de développer ses propriétés de bonne mère. La migration, le statut socio-économique, la position hiérarchique à l'intérieur du réseau des familles sont des éléments qui influencent le degré de fragilité de mère et donc, par conséquence, la difficulté à montrer d'être une bonne mère. Donc, les différentes femmes et familles aussi, parents parfois, développent ce que j'ai appelé des tactiques pour apparaître comme des bons parents. J'ai analysé un certain nombre de techniques et des tactiques, mais je ne sais pas si je vais les approfondir ou pas, parce que je ne sais pas quelle heure il est. 18h. D'accord, donc je ne vais pas vraiment les développer. Je vais juste faire une liste très, très rapide. Donc, l'invisibilité qui peut être ponctuelle, donc le fait de passer pour non-rom, le fait de montrer une adhésion aux normes et aux valeurs qui concernent l'enfance et la parentalité, d'un point de vue des non-rom, le fait de rejeter les stigmates et le repousser vers d'autres non-rom, vers d'autres roms, excusez-moi, ou bien de détourner le stigmate vers d'autres générations ou vers les non-roms, ou enfin le fait d'assumer une certaine déviance pour optimiser la conformité. Bon, là, c'est vraiment dit très rapidement. Mais ce qui est intéressant et ce qui peut-être nous interroge sur cette question de d'où quelque part se termine la présentation de soi, la performance, et où entre en jeu la subjectivité et la subjectivation, c'est que chez les mêmes familles, il y a une coexistence entre une hyperconformité aux idéaux de l'enfance et de la parentalité qui sont revendiqués par les non-roms et une affirmation identitaire qui est basée sur la transmission d'une forte distinction entre les roms et les non-roms et donc une visibilité normalisante et une affirmation identitaire. Et c'est à travers l'éducation des enfants que cette double démarche apparaît très clairement. On voit donc d'une part un système normatif qui règle les comportements et la présentation de soi vis-à-vis des acteurs de la société locale ou des pouvoirs publics. La transmission de la moralité genrée comme système qui différencie les roms des non-roms. En gros, c'est à travers cette question de moralité genrée qui est construite cette frontière de la part des roms entre eux et les autres. Et c'est à travers un rejet, je dirais, total ou très fort des égalités entre les sexes qui est construite cette différence. Se joue entre ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut faire vraiment. Donc, on peut se montrer vis-à-vis des autres comme ceci, cela, en faisant semblant que oui, les filles vont à l'école et je ne sais pas quoi. Mais en fait, derrière, il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, donc, que j'ai appelé la morale genrée, c'est cette idéal de perfection morale où la décence, l'honneur et la moralité des femmes et des filles constituent la moralité de la famille Et donc sont au cœur de ce que les enfants doivent vraiment apprendre. Donc cette moralité consiste dans des comportements vis-à-vis de la part des femmes vis-à-vis de l'autre sexe, une vigilance vis-à-vis de des dangers pour la préservation symbolique et matérielle de la virginité jusqu'au mariage et ensuite de la moralité. Donc la moralité pour les filles, c'est la chasteté prémaritale, qui est une chasteté pas seulement matérielle, mais aussi symbolique, parce que même la mauvaise réputation peut miner cette chasteté. Et donc, la moralité des filles sert à maintenir le pouvoir de la famille au sein du réseau des familles, mais aussi à alimenter les discours qui sont intra-communautaires sur la supériorité morale des Roms vis-à-vis des non-Roms. Et donc, en fait, les corps des jeunes filles participent au maintien des rapports intrafamiliaux qui sont basés sur le mariage et l'honneur, mais aussi des frontières entre le soi et les autres. Cette affirmation identitaire, qui donc à un certain niveau peut être lue comme une dynamique qui relève des relations interethniques, c'est comme ça qu'il a été lu d'habitude, peut aussi être pensé comme une autre manière aussi de gérer le stigmate d'être rom et donc de présenter vis-à-vis du groupe la non-conformité comme positive et désirable. C'est quelque chose que l'on retrouve pas seulement chez des groupes qui sont ethniques, mais chez d'autres familles, par exemple, qui sont stigmatisées, comme notamment les familles homoparentales, chez lesquelles on retrouve exactement la même démarche. Donc, c'est présenté une différence qui est apparemment non désirable comme désirable. Ce qu'on peut appeler un véritable sexisme identitaire est à la fois une technique pour s'écarter de la stigmatisation, mais qui finalement contribue à alimenter, de la part des Roms, de cette frontière entre les soi et les autres, qui finalement alimente les processus d'ethnicisation et d'altérisation dont les familles font l'objet par ailleurs. Et donc il y a ce cercle vicieux qui est en jeu. Donc, pour conclure sur les parents et passer rapidement aux enfants, on voit en fait que ce qui est de l'ordre de l'expérience, c'est de montrer comment, face aux normes, il y a des trajectoires individuelles, des cas singuliers, des stratégies qui vont parfois à l'encontre des règles établies, parfois pas, mais qui doivent nécessairement être compris à la lumière des rapports sociaux qui peuvent être des rapports sociaux de sexe, d'âge ou de génération, mais aussi des rapports sociaux de race et de classe avec la société plus large. Pour ce qui concerne donc les parents, leur agency repose sur les compétences relationnelles et l'emploi des registres symboliques qui peuvent être les registres symboliques des autres à différents niveaux, et les autres peuvent être les membres de la famille, mais aussi des membres de la société majoritaire. Les enfants. Et puis je termine. Et je m'étais. Donc c'est intéressant parce que pour les enfants, c'est encore plus, plus évident le fait que on interroge très peu, enfin, d'un point de vue anthropologique ou moins, le niveau de l'expérience et de la réappropriation, parce que justement, encore moins que les Roms, les enfants, pendant longtemps, n'ont pas été vraiment considérés comme des acteurs, et donc, en tant que pas vraiment des acteurs, comment on peut saisir leur expérience. Et par exemple, c'est intéressant parce que quand on pense aux enfants, on pense au processus de fabrication de l'être humain, qui est un processus qui est toujours pensé comme quelque chose qui vient de l'extérieur pour donc fabriquer la personne qui est perçue comme un être passif qui reçoit cette fabrication. Et par exemple, la notion de anthropopoiesis, c'est typique de cette démarche qui pense normalement d'une façon active ceux qui fabriquent l'être humain et de façon passive celui qui est fabriqué. L'anthropopoiesis s'intéresse donc aux pratiques qui sont vouées à compléter les enfants dans des êtres humains. On parle par exemple dans Figure de l'humain du processus de fabrication, des représentations et d'effectuation de l'être humain par des moyens symboliques et pratiques, des représentations, mais aussi des procédures concrètes. Donc, des pratiques sociales et culturelles qui fabriquent l'humain. Encore plus en pensée est la manière dont l'être humain qui est fabriqué fait l'expérience de ce processus de fabrication. Donc, par exemple, c'est quand on pense aux enfants, on pense aux normes qui régulent les âges et moins à la dimension expérientielle, donc comment ces processus sont vécus par les enfants et l'émotion et les sentiments qui orientent ces processus. Et je pense que cela montre bien comment on se focalise parfois sur les mécanismes et les règles, donc un ordre qui est idéal, et beaucoup moins à l'expérience que les personnes vivent à travers leur corps, leurs émotions et sentiments. Par contre, c'est intéressant parce que si on s'intéresse à l'expérience subjective en l'articulant avec cet idéal normatif, on voit que les ordres qui peuvent être l'ordre des âges, mais aussi l'ordre des sexes ou des races, entre guillemets, sont en fait ont des dimensions qui sont plurielles et sont en fait des désordres aussi. Parce que si on s'intéresse aux normes, on voit tout ce qui est tout ce qui marche bien, on peut construire un petit machin qui a l'air très, très ordonné. Et en fait, l'expérience subjective, elle apporte nécessairement du désordre. Et elle fait apparaître les contestations, les conflits les réappropriations et les vécus émotionnels et corporels des acteurs. Donc, pour ce qui concerne les enfants, ce qui apparaît en premier, quand je m'approche de l'expérience des acteurs, c'est l'identification dans l'appartenance au groupe minoritaire plutôt que dans le statut d'âge. Donc, les enfants que j'ai rencontrés, par exemple, les premiers mots qu'ils apprennent, c'est Rom, Gajo, Korakane, qui sont donc les mots qui expriment cette séparation entre les Roms et les non-Roms. Ensuite, ils commencent à parler avec des expressions comme « dans notre langue »,« manger dans notre langue »,« danser dans notre langue ». Et donc, un des premiers éléments qu'il met en avant et dont il s'approprie, c'est cette conscience de soi en tant que membre de ce nous collectif qui est représenté par le groupe, qui n'est pas seulement la famille, mais qui est le réseau des familles, donc des familles élargies quelque part. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que a été repéré dans plusieurs études qui s'intéressent aux enfants qui font partie des groupes minoritaires. Cette identification au groupe est quelque chose qui est bien sûr véhiculé par de l'extérieur, par les familles. Par exemple, par le fait de donner deux prénoms différents que les enfants utilisent avec les familles ou à l'extérieur, et qui donc marque vraiment symboliquement cette séparation entre deux mondes différents, mais aussi le langage. En romanès, qui est la langue qui est parlée par ces enfants, enfin la langue maternelle, qui n'a pas une manière unique pour dire « homme » au sens d'être humain, mais qui a des termes différenciés pour indiquer l'homme qui est rom et l'homme qui est non-rom, qui est gajo. L'enfant est, de la part de la famille, l'enfant est fabriqué à travers un processus qui les amène à devenir à la fois un adulte, un membre de son groupe et un individu qui est sexué. Il reçoit de l'extérieur cette éducation qui est une éducation à acquérir cette identité qui est une identité ethnique et sexuée. D'être enfant ou être adulte. Donc, un apprentissage des rôles qui sont attendus par des catégories d'âge, des rôles qui sont attendus par des membres d'un groupe, entre guillemets, je vais dire ethnique, et des comportements qui sont attendus par un un être qui a un genre, donc une femme ou un homme. Et encore une fois, les langages les amènent à apprendre très bien que, comme tout est dans le même mot, devenir un adulte, c'est devenir un rom, qui est donc un adulte, un membre d'une groupe ethnique, et soit une femme, soit un homme. Par exemple, il n'existe pas un terme pour indiquer moi et une femme rom en même temps. Parce qu'on ne peut pas dire femme comme ça, ça n'existe pas. C'est soit femme rom, soit femme non rom. Et donc la socialisation sexuée, qui était donc, comme je vous disais, la dimension principale pour créer cette distinction entre le soi et les autres, est quelque chose qui joue bien sûr un rôle crucial dans la socialisation et la fabrique des enfants, hein, des Roms à part entière, hein, c'est-à-dire des adultes. Cette éducation implicite et explicite de métiers qui doivent être endossés par des garçons ou des filles ou des femmes, et ensuite des femmes et des hommes. Et qui est donc exactement l'opposé de la direction vers laquelle, d'un point de vue idéologique, vont les sociétés occidentales, qui plaident pour l'idéal de mixité et d'égalité entre les sexes, alors que là, on voit une uniformation des parcours des filles et des garçons, alors que les Roms, ils font exactement l'opposé. L'idéal de non-mixité, de non-égalité. Les enfants en question, ils n'est dans le processus de socialisation, ils sont aussi confrontés à toute une autre sorte de socialisation et d'attente de la part la société majoritaire au sens large, mais qui ensuite concrètement, ce sont tous les adultes qui ont aussi une fonction d'agent de socialisation vis-à-vis d'eux, donc à l'école principalement, mais aussi de la part d'autres enfants ou adolescents qu'ils vont rencontrer dans leur vie quotidienne à l'école. Et donc dans leur expérience, on voit une dichotomie entre des modèles qui ne coïncident pas, des attentes qui ne coïncident pas, de groupes qui ne coïncident pas, ce qui contribue encore plus à créer un désordre pour ces enfants. Cette quelque part double socialisation, elle amène un conflit entre plusieurs calendriers, plusieurs attentes, plusieurs ordres en fait des âges et de sexe, et plusieurs statuts sociaux et groupes sociaux auxquels les enfants appartiennent. Et c'est là devient de plus en plus évident au fur et à mesure qu'ils grandissent, et surtout dans la période qui peut coïncider avec le collège, avec la maturation sexuelle, où c'est les injonctions de la part des uns et des autres devient plus forte d'un point de vue du genre, qui est exactement le point sur lequel se joue cette séparation et cette frontière en fait entre les uns et les autres. Et donc justement, ce sont surtout les filles qui se retrouvent face à des prescriptions qui sont opposées, paradoxales. Et donc, pour habiter ces différentes normes paradoxales, elles doivent nécessairement négocier tout le temps. Et cela peut être pensé comme de ce que Sylvie Octobre appelle des petits arrangements de sexe. Là, peut-être, ce sont de un peu moins que petits, des grands arrangements de sexe. Mais qui peuvent prendre des formes différentes, qui ne sont pas toujours éclatantes, mais parfois même assez intimes ou bien très extrêmes, très réfléchies ou pas beaucoup réfléchies. Et donc, pour donner rapidement quelques exemples, il y a les rêves, la rêverie, qui est une manière de habiter ses nerfs, mais créer une dimension où on peut penser les choses autrement. Et donc, la dimension du rêve est celle qui permet aux filles d'avoir un espace de liberté par rapport à l'assignation sexuée qui est imposée par la famille et qu'elles expérimentent au jour le jour. Et c'est donc à travers l'amour romantique qu'elles peuvent développer une opposition intime à l'ordre des âges et des sexes qui est transmis par les familles et se rapprocher d'entrée de la culture européenne qui est celle de l'amour romantique. Mais ils peuvent y avoir différentes formes que je ne vais pas développer. Et puis enfin, c'est le corps. C'est sur le corps que on voit qui cristallise toutes ces disputes entre les fabrications des uns et des autres. Parce que c'est le corps des femmes et des filles vierges, qui est un objet d'injonction du pouvoir au nom de la protection de l'identité du groupe, mais qui est aussi un objet d'injonction de la part de la société majoritaire où les corps de filles et comment est-ce que le corps de filles doit être et apparaître est aussi très très puissant dans cette phase de la vie. Et donc, le corps peut devenir le site d'une résistance passive, silencieuse ou bien très extrême et pas du tout silencieuse. Par exemple, je fais deux exemples très rapides. Une fille qui est angoissée parce que ses parents vont la marier et elle sait que comme elle est la fille aînée et qu'elle appartient à une famille très, très importante, elle sait que son mariage a une importance très grande au sein de sa famille et donc elle a très peu de chances de négocier ou de faire autre chose. Eh bien, c'est à travers le fait de perdre des kilos et de devenir très maigre, qu'elle essaye de opposer une résistance, justement en rendant son corps peu conforme à l'image de la fertilité qui est valorisée par son groupe, et de le rapprocher à l'image de la fille anorexique qu'elle voit à la télé. Ou bien notre fille que me confie que elle fait semblant d'avoir mal quelque part, ou elle se brûle exprès et donc elle fait des choses pour échapper au fait qu'elle doit faire le ménage et être initiée à toutes ces tâches de femme, qu'elle essaye de voilà d'opposer une résistance. Et du point de vue des parents, c'est aussi ces corps qui symbolisent la réussite ou l'échec de cet ordre, qui est un ordre des âges et des ethniques et des sexes en même temps, qui se manifeste de la façon la plus évidente avec donc la question de la virginité et le rituel du mariage où la fille doit exposer le, comme on faisait dans le sud d'Italie il y a un moment d'ailleurs, le drap avec la tache de sang pour montrer qu'elle était vierge, donc qui du point de vue des adultes symbolise la réussite ou l'échec de cette fabrication de des femmes. Et par exemple, une femme, elle parle de son, elle exprime le mécontentement au sujet de sa fille à travers cette phrase. Elle dit: ma fille est sale dans son corps. À son âge, j'étais déjà une femme et je pensais à nourrir mes enfants. Et donc, c'est à travers cette image de d'être sale dans le corps qu'on voit que les choses ne marchent pas comme elle. Cette fabrication n'a pas été, n'a pas réussi très bien. Et justement, c'est l'acte le plus extrême pour opposer résistance, c'est de se réapproprier de la partie la plus valorisée, la plus contrôlée du corps des filles, qui est l'hymen. Et donc, c'est à travers le fait de perdre la virginité exprès que les filles peuvent éviter que la famille impose la transition d'âge que eux souhaitent à travers une tentative de faire valoir sa propre choix. Et donc, c'est réappropriant de l'hymen à travers la perte de la virginité. Qui, enfin, voilà, on va pas, je vais pas me attarder sur finalement ça va marcher ou pas marcher pour se réapproprier vraiment de son existence, mais voilà, ce sont des tentatives pour affirmer quelque chose, et se construire en tant que sujet d'une façon différente de celle qui est une fabrique de l'extérieur. Et donc, on voit que il y a dans tous ces expériences d'être soi et aussi de devenir soi que j'ai essayé d'aborder, il y a beaucoup de choses qui en fait vont interagir en même temps, des questions d'âge, des questions de racialisation, ethnicisation, ethnie, des questions de corps, de sexualité, de génération. Et donc, cette expérience, cette étude de l'expérience, n'est pas quelque chose pour ma part qui doit être pensé en termes de cosmologie des groupes culturels, mais à travers des scènes historiques et le rôle des acteurs, et bien sûr acteurs qui sont multiples et qui intervient à des niveaux très, très différents, parce que l'expérience aujourd'hui d'une minorité qui habite en Italie en migration, c'est quelque chose de très complexe, et donc on n'arrive jamais à voir où s'arrêter. Et donc, par exemple, l'anthropopoïésis, pour faire un exemple, c'est pas quelque chose qui doit être pensé dans les tensions intergénérationnelles, mais une interaction entre des structures familiales et des dynamiques sociales plus larges. Et donc, les identités, elles se bricolent à travers ces appartenances multiples, ces parcours qui sont aussi des parcours transnationaux. Et ces questions des subjectivités, des subjectivations sont aussi des questions qui sont liées aux frontières sociales, morales et identitaires qui sont produites et reproduites par les différents acteurs. Et qui sont à chaque fois quelque part redéplacés, redéfinis et questionnés, transformés par tous les acteurs en question, y compris par les enfants. Voilà, je pense que c'est un peu ça ce que je voulais dire. Ouais. Super, merci.